Chapitre 7e. Les dernières paroles prononcées par la soi-disant Mina Hirtug produisirent un effet étonnant. Grida Zurlar, ou plutôt Don Rafael de Ulloa, pour l'appeler de son vrai nom, laissa retomber sa main. Devenu pâle, livide, il balbutia. « Qui êtes-vous ? » « Un homme habillé en femme, comme vous, mon Lord Stamford, » octa le diplomate chilien. « Ou à peu près, » carro Don Rafael, avoua la prétendue Mina Hirtug. « Mais d'abord, bas les pattes, jetez ce stylet par la portière. La fenêtre est justement ouverte. Bon, et rasseyez-vous. Je ne suis pas le bourreau, que diable. » Don Rafael de Ulloa frissonna violemment et, sans bien savoir ce qu'il faisait, obéit. Lord Launceston Stamford, sans le quitter des yeux, attira, à l'aide de son pied, le panier qui se trouvait sous la branquette et l'amena bien en lumière. Vivement, il l'ouvrit et jeta un coup d'œil rapide et murmura. « Je ne m'étais pas trompé. Ils y sont tous ?» Don Diego de Ulloa ne répondit que par un grincement de dents rageur. Lord Launceston Stamford haussa les épaules. « Montrez-vous beau joueur, Hombre. Quand on fait l'espion et l'assassin, il faut savoir payer de sa personne par moment. Tenez, je suis franc, moi. Savez-vous qui m'a fait évader de la prison ? Non, vous ne le savez pas ? Well, c'est tout simplement l'ambassade d'Allemagne. »« L'ambassade d'Allemagne ?» siffla le diplomate chilien, tellement effaré que pour une seconde, il en oublia sa rage. « Parfaitement, illustre diplomate. Et cette même ambassade m'a remis même 100 000 $, pas un de moins, pour retrouver ce que vous savez. Moi ? Non, pas vous. Mais ce qui est dans ce bienheureux panier ? Oh, ne vous faites pas de mauvais sang. Je ne le rendrai que contre d'autres dollars, je... Et moi ? Qu'allez-vous faire de moi ? » murmura le Chilien avec un regard en dessous. « Cela dépend de bien des choses. Hélas, le sage a dit que nous étions comme des feuilles sèches. Le vent nous emporte et nous ne savons pas où. Ainsi, vous croyez filer vers la frontière mexicaine, alors que vous étiez tout simplement en route pour Camden, qui est la première station où notre train s'arrête. Moi, je l'avoue, je savais que nous allions à Camden. La preuve, c'est que nos billets pris par moi à l'avance sont pour cette destination. À quoi bon dépenser plus d'argent qu'il n'en faut ? Et même une auto nous attend. » « Dernier modèle, 8 cylindres, ressort condensé. Vous y serez très bien, et moi aussi. »« Enfin, que voulez-vous de moi ?» gronda Don Rafael de Ulloa. « Pour l'instant, que vous vous teniez tranquille. Et quand le train arrivera à Camden, que vous descendiez bien sagement et ne fassiez pas d'esclandre. Ce qui risquerait de me faire arrêter, et avec vous. Vous me comprenez, je suppose. » Don Rafael de Ulloa dut comprendre parfaitement, car il n'ajouta pas un seul mot. Et lorsque le convoi s'arrêta en gare de Camden, le diplomate chilien descendit le premier du wagon, suivi de Lord Launceston Stamford, qui portait le panier. Une splendide auto attendait hors de la gare. Les deux fausses vieilles femmes, sans échanger une seule parole, se dirigèrent vers elle. Don Rafael de Ulloa pénétra le premier dans le véhicule, mais au moment où Lord Stamford mettait le pied sur le seuil de l'auto, le diplomate chilien se retourna brusquement et abattit sur le crâne de son ennemi un mince vase de cristal garni de fleurs ornant le véhicule. Lord Stamford n'eut que le temps de se rejeter en arrière pour n'avoir pas la tête fendue. Le vase heurta son chignon postiche, lequel était assez épais, ce qui lui évita une fracture du crâne. Mais à la même seconde, Don Rafael de Ulloa reçut les poings de Stamford juste au milieu de la figure. Le Chilien, perdant l'équilibre, alla rouler au fond de la voiture. Son épaule heurta durement la paroi et il tomba évanoui. Lestement, Lord Stamford entra dans l'auto et se laissa tomber sur les coussins. Le chauffeur ferma aussitôt la portière sans prononcer un mot, et l'auto démarra en 4e vitesse. Tandis qu'elle roulait, Lord Stamford se pencha sur Diego de Ulloa. « À gauche, » murmura-t-il. « Je crois que l'animal a une épaule démise. Je l'ai bousculé un peu fort. Mais bon, il s'en remettra toujours assez vite. » Et sur cette philosophique pensée, Lord Stamford souleva les coussins de la banquette et découvrit un vaste coffre rempli de vêtements. En quelques minutes, rien ne subsista plus de la vieille Mina Hirtug. À sa place, ce fut un élégant gentleman, rasé de frais, une fleur à la boutonnière, qui occupa l'auto. Celle-ci s'arrêta devant une élégante villa située à une couple de miles à l'ouest de Camden. Lord Stamford, après avoir donné quelques ordres rapides au chauffeur, sauta à terre et disparut dans le jardin. Presque aussitôt, un grand gaillard apparut d'entre les massifs, pénétra dans l'auto et prit le mystérieux panier, cependant que le chauffeur chargeait sur son dos Don Raphaël de Ulloa, toujours sans connaissance. Lorsque quelques minutes plus tard, le diplomate chilien revint à lui, il vit qu'il était étendu dans un lit de cuivre situé dans une somptueuse chambre à coucher, dont les trois fenêtres donnaient sur un magnifique parc. Devant lui se tenaient Lord Stamford et un inconnu qui, d'après son costume et sa tenue, devait être un médecin. « Alors, ça va mieux, cher ami ?» demanda Lord Launceston Stamford. « Le docteur Fleggibbet vient de vous remettre votre fracture, car il paraît que vous aviez une omoplate fracturée, et vous m'envoyez navré. Mais d'ici 2 ou 3 semaines, il n'y paraîtra plus. Le malade peut manger, docteur, mais parfaitement, tout ce qu'il voudra. Pas trop, cependant, car il a une assez forte fièvre. C'est l'émotion, n'est-il pas vrai, cher ami ?» Don Raphaël de Ulloa fit un signe affirmatif de la tête. Il était trop agité pour répondre autrement. Le docteur, après quelques conseils, sortit de la chambre, accompagné courtoisement jusqu'à la porte par Lord Stamford. « Maintenant, nous pouvons nous expliquer, » fit ce dernier en s'approchant du lit. « Nous sommes en confiance et en sûreté. Nul ne peut nous entendre, et si l'on nous entendait, cela n'aurait aucune espèce d'importance, donc allons-y. Tout d'abord, si je vous ai si bien happé, illustre seigneur Don Raphaël, vous êtes redevable de ceci à votre ami associé Teublich, je veux dire le comte Karl von Thundersmark. Lui, traître immonde, j'aurais dû m'en douter, gronda le Chilien, qui sursauta si violemment que son pansement glissa. Il poussa un gémissement de douleur. « Hello, doucement !» fit Lord Stamford. « Un diplomate, vous n'êtes guère calme que diable. Ne bougez pas, je vais vous refaire votre pansement. Je m'y entends un peu, heureusement. » Ce travail terminé, Stamford reprit l'entretien. « Oui, c'est cet estimable Teublich qui m'a tout raconté. Avouez qu'il y a de quoi. Vous vouliez garder tout pour vous. « Tout pour moi ?» éclata le Chilien amer. « Mais si j'ai tué Julius Volker, je veux dire Samuel Veit, c'est à son instigation. Julius voulait se débarrasser de Teublich et le faire destituer. Mais Teublich, depuis la découverte du portefeuille dans son matelas, était surveillé. Sans cela, il se fait charger de l'opération. Moi, je l'ai fait pour lui faire plaisir. Et pour partager le contenu du panier à linge, n'est-ce pas ? Dame, cela en valait la peine, même pour un conseiller d'ambassade. » Don Raphaël de Ulloa ne trouva pas de réponse. « Allons, » conclut Lord Stamford, « je vois que tout ceci vous agite. Calmez-vous. Ici, vous ne risquez rien. Et je vous donne ma parole d'honneur que vous êtes absolument en sûreté, jusqu'à ce que j'en ai jugé autrement. Mais je vous préviendrai. Je vais maintenant m'occuper du contenu du panier. Vous comprenez, j'ai reçu 100 000 $ pour le rapporter à l'ambassade allemande. Je suis un homme de parole. Vous allez les rendre ? Parfaitement. Mais contre 500 000 $. Qu'en ferai-je ? D'ici une huitaine, je serai de retour ici. D'ici là, dormez tranquille. Je ne dirai pas à Teublich où vous êtes. Et lui, où est-il ? Siffla Don Raphaël de Ulloa, dont les yeux noirs brillaient comme des braises. Mais tout simplement à l'ambassade impériale allemande, ainsi qu'il sied au noble baron Thundersmark. À bientôt. Si vous avez besoin de quelque chose, vous sonnerez. On viendra immédiatement. Et ne vous avisez pas d'essayer de vous évader. C'est absolument inutile. Vous vous donneriez de la peine et de l'émotion pour rien. » Lord Stamford sortit sur ces mots. Le lendemain matin, un personnage à barbe jaune et à lunettes d'or, pareil enfin en tout point à celui qui en était sorti la veille, franchit le seuil de l'ambassade allemande à New York. Il portait sous son bras une vaste serviette de cuir rouge bourrée à éclater.